c'est un effet de fait que dès qu'ils ont le choix, ils vont ailleurs. Ils vont ailleurs dès la sortie. Ils vont ailleurs dès la sortie du bac. Ils vont ailleurs ensuite. Je veux dire, moi, j'enseigne à l'université. Je vois mes études. Je vois mes étudiants de licence qui n'ont qu'un souhait, c'est d'aller ailleurs. Bon, donc c'est cette logique-là qu'il faut inverser. Et là, on a un public qui vote avec ses pieds et on ne peut pas ne pas le savoir.